Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 24, Podcast Science avec Mathieu et Antoine, vous êtes là? Oui, on est là. Salut! Bonjour professeur Fun, bonjour Antoine. Salut tous les deux! Magnifique. Tout le monde est là, super. Alors on a plein de choses à dire cette semaine. On va peut-être commencer par un petit point sur la visite du CERN. Donc la date a été fixée, ça aura lieu le samedi 9 juillet à 14h. Vous pourrez être là les deux? Oui. Moi, normalement, oui, Oui, il n'y a pas de problème. on sera Ah, là. ça, c'est extra. Donc pour la première fois, on sera réunis les trois ensemble. Ouais. Plus, la foule en délire. Donc il y a 24 places. Au total, on a déjà 17 personnes qui se sont inscrites. Juste parce on l'a évoqué à l'oral la semaine dernière. On a un petit peu échangé sur Facebook et Twitter. Donc si vous n'êtes pas sur Facebook ou sur Twitter et que vous avez loupé tout ça, dépêchez-vous. C'est gentiment le dernier moment pour s'inscrire, quoi. Donc il reste 7 places. Il y a plusieurs moyens de nous contacter. Donc soit à travers le site podcastscience.fm, on a une nouvelle rubrique Contactez-nous. Vous la trouvez en haut dans la barre de navigation principale. Autrement, Facebook et Twitter, je crois que c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Facebook.com/podcastscience tout en un mot, ou Twitter.com/podcastscience là aussi tout en un mot. Puis autrement, on a un mail, donc podcastscience@gmail.com. Puis au pire, si vous n'êtes pas sur tous ces trucs-là, c'est que vous devez être un ou une amie proche qui a un de nos numéros de téléphone. Donc n'hésitez pas. Donc ce sera le 9 juillet à 14h, le Ouais, donc samedi c'est un 9 juillet. samedi. On a la possibilité de manger sur place ensemble à midi. Ça coûte 10 francs suisses. Sinon, tout le reste est gratuit. Ce genre de détails, je pense qu'on aura le temps de voir Oui, encore mais d'ici juillet. je suis vraiment étonné à la vitesse à laquelle sont parties les places, quoi. Ouais, c'est dingue, hein. C'est là, ça fait une semaine qu'on a évoqué la chose et déjà 17 inscrits, quoi. Ouais. C'est Ouais, vraiment c'est pas fou, tant, mais quoi. je crois que c'est vraiment le genre de truc, il faut avoir un prétexte, quoi. Mais bon. Pour ceux qui sont dans la région, et puis ouais, là vous allez venir des quatre coins de l'Europe, hein, on a Camphis aussi qui veut Ah venir de oui, comme Bretagne. fils, lui va traverser toute la France pour Hein. arriver. Ouais. Bah, faudra Ah qu'on non. lance un appel pour s'organiser pour des logements éventuellement. Mais enfin, là aussi, On a le temps on de a le temps de voir, ouais. s'organiser d'ici là. Yep, sinon Mathieu, toi, tu avais des petites choses à nous dire aussi. Alors oui, suite à la proposition de Xavier Agnès, parce que la semaine passée on avait présenté notre liste de podcasts qu'on écoutait chacun, il avait proposé Xavier Agnès qu'on mette ça sur le site. Donc on a aussi créé sur le site de Podcast Science une page dédiée dans laquelle on a mis la liste des différents podcasts qu'on écoute, une longue liste. Alors n'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez découvrir des nouveaux podcasts. En passant, il y a aussi Anaïs qui nous a proposé sa liste de podcasts. Je la remercie d'une part, et puis je vais citer les podcasts qu'elle nous propose. Elle nous propose donc un podcast de France Inter qui s'appelle CO2 Mon Amour. Ah ouais. Après trois podcasts de France Culture, La Marche des Sciences, Continent Science, Avec ou Sans Rendez-vous. Enfin, je répète parce que là, ça peut paraître un peu confus. Le premier podcast de France Culture, c'est La Marche des Sciences. Le deuxième, Continent Science. Et le troisième, s'appelle Avec ou Sans Rendez-vous. Et aussi deux podcasts de France Info. Le premier s'appelle Info Science et le second, Du Côté des Étoiles. Et voilà. Et moi, je me suis agrégé Continent Science et La Marche des Sciences, que j'ai écouté un épisode de Continent Science. Je reviendrai peut-être à la fin de l'émission là-dessus. Vous verrez, très intéressant, très intéressant. Ok. C'est animé par qui, tu sais, comme ça? Ou alors, j'ai pas les noms en D'accord. tête là. J'ai pas les noms en tête. Ok. Tu parles duquel? De Continent Science ou de... Ouais, parce que je Ouais. me rappelle plus lequel correspond à quoi, en fait. Je me souviens qu'il y en a un sur Radio France que j'aime pas beaucoup. Et je l'avais zappé, mais je sais plus si c'est celui-là. Je me rappelle du nom de l'animateur, par contre. Ouais, alors là, je pourrais Parce... plus te dire. Ouais, bon. Ok. Alors, voilà pour les podcasts. Et n'hésitez pas aussi à nous communiquer vos podcasts si vous pensez qu'il y en a un qui vaut la peine. Ça nous ferait plaisir. Bah ouais, c'est cool. Ouais. Ça en fait hein, une bonne petite liste là, non? Ouais, ça en fait un paquet. Ouais, d'ailleurs, je tiens à préciser pour les auditeurs que quand Mathieu dit modestement on a fait tout ça, c'est tu as fait tout ça, Mathieu. C'est T'as dû vrai, copier-coller les ouais. 40 000 Je me podcasts suis pour bien en faire une entraîné page. au contrôle C, contrôle V, quoi. Tu m'étonnes. Bah, merci beaucoup en Ouais. tout cas. Surtout sur la partie d'Alan. Hein. Ouais, je suis désolé. Alors en fait, dans la colonne de droite du site, vers le bas, il y a un lien qui redirige, un lien qui s'appelle nos podcasts préférés, qui redirige sur la page avec toute cette liste de podcasts. Ok, on la trouve aussi dans la navigation principale, tout en haut, en Ouais, fait. ouais. Ouais, Oui. c'est top, on ne peut pas la louper. Excellent, Antoine, tu avais des choses à nous dire aussi. Oui, je vous parlais de culture primaire, vous en avez déjà parlé, je pense, dans un des précédents podcasts où j'étais pas là. Ouais, c'est Donc, nos amis de Belgique. oui, voilà, deux instituteurs dans le vent qui décident d'utiliser, qui ont décidé d'utiliser des outils comme Twitter, Facebook et en général Internet pour enseigner à leurs élèves de primaire. Et ils ont visionné une de mes vidéos, donc c'était Alchimie du Coca sur l'expérience entre le Coca Mentos. Et ils ont décidé de faire une petite activité dessus pour essayer de deviner comment ça marchait et tout ça. Et la chose la plus intéressante là-dedans, c'est que j'ai pu suivre toutes leurs hypothèses sur Twitter en fait. C'était live tweeté et c'était vraiment génial. Professeur Phone, tu as aussi regardé un petit peu. C'était vraiment Ouais, marrant quand j'ai même pas de réussi voir à tout suivre, mais ça. j'adorais quoi. Ouais, j'ai suivi Bon. aussi d'un œil. Ah oui, toi aussi. Toi Ouais. aussi. C'était vraiment marrant de voir toutes les hypothèses sur le gaz et tout. Ça m'a vraiment beaucoup appris sur les enfants parce que je savais absolument pas qu'ils connaissaient déjà des notions de pression, de gaz, de dissolution, tout ça. C'était vraiment surprenant, quoi. Ils ont 11-12 ans, c'est juste, ou 10-11 ans. 11-12 ans, 11-12 11-12 ans, ans, ouais, ouais. d'accord. Donc voilà. Il faut que je rédige encore le compte rendu. L'instituteur qui s'appelle Philippe m'a envoyé les photos. Il faut que je le fasse et je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Il n'y a pas de problème. C'est cool, ça c'est vraiment une initiative géniale. Ah oui, Je suis c'était. épaté. J'aurais bien voulu avoir un prof comme ça, moi. Ah, tu m'étonnes, mais tu te rends compte? Ouais, en plus, Ouais. bon, à notre époque encore, c'était poussé, mais là, avec l'omniprésence d'Internet, il était temps qu'il y ait des profs qui commencent à utiliser ça, quoi, comme outil. Des profs, ouais, il y en a un, enfin, Oui, il y a voilà, les c'est pour deux, ça. mais ça court pas C'est encore les rues, ça du coup. commence tout, ça commence tout juste, quoi. Ça commence Oui. tout juste. Là, c'est assez aberrant, mais donc c'est pour ça. Chapeau à Culture Primaire, hein, pour cette initiative, c'est vraiment génial. Ouais, c'est top. Excellent. Alors moi, je voulais juste passer un petit coucou et petit merci à nos amis, nos poditeurs pour les commentaires. Il y en a eu une quantité impressionnante cette semaine, donc je ne veux pas tous les relater, évidemment. Mais on apprend quelques scoops. On apprend qu'il y a des maisons plus propres grâce à Podcast Science. C'est notre ami François qui aime bien s'occuper quand il écoute les podcasts. Puis qui a tellement aimé Podcast Science qu'il les a tous rattrapés depuis le premier épisode. Du coup, sa maison est nickel du sol au plafond et son jardin aussi. Je sais pas combien d'heures on accumule finalement. Ouais, on doit s'approcher à 24 heures, hein, je pense. Ouais, une journée entière. Ouais, tu te rends compte, 24 heures de nettoyage, là. Je peux imaginer que la maison soit propre comme un sous-neuf. D'ailleurs, François toujours nous indique que l'effet Musli est à l'origine de l'envahissement de son jardin par les gros cailloux, ce que tu as confirmé, je crois, Oui, Antoine. c'était un des exemples que j'avais en tête mais que je n'avais pas donné et il a tout à fait raison. Et donc je l'ai mis en commentaire et tout et franchement c'est bien vu, c'est bien vu. Et j'adore la réaction des poditeurs quand c'est pertinent comme ça, c'est vraiment génial quoi. Ouais, c'est chouette. Hein. Bon, là, t'as eu de la chance avec ton poditeur. Moi, j'en ai eu moins avec le mien. C'est Schmox qui nous en a posé une bonne, qui se demande comment se comportent les bulles de champagne en apesanteur. Tu parles d'une question vache. Ouais, ça c'était la grosse question. Quand je l'ai vu, j'ai dit oui, je laisse le professeur Fun répondre parce que. Ouais, je m'en suis pas sorti honnêtement. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui montre une expérience qui a été faite en apesanteur où on voit donc les liquides eux-mêmes forment une bulle en apesanteur comme dans Tintin, tu sais, quand le whisky du capitaine Haddock s'échappe de son verre. Et puis l'expérience en question consistait à mettre un Alka-Seltzer dans une de ces bulles et puis de voir comment ça se comportait. C'est marrant en fait, les bulles d'air se forment dans la bulle de liquide. Mais ont beaucoup de mal à s'échapper. Il y en a quelques-unes qui arrivent à sortir de la bulle de liquide, mais la plupart pas. Je ne sais pas exactement quel phénomène derrière. J'ai moi-même lancé une question au docteur Karl, le podcasteur australien dont on a parlé la semaine dernière, mais il m'a pas répondu encore. On verra. On verra. Oui. Ouais. En tout cas, super question, quand même. Ouais, mais c'est typiquement le genre de choses. En apesanteur, ça défie tout ce qu'on sait, quoi. Ouais. C'est vraiment partir sur une nouvelle base. Je crois qu'il disait, en plus, dans la vidéo que tu as mise, qu'il disait que c'était vraiment fascinant de voir comme des petits trucs simples comme ça. Ben, en fait, on ne sait pas trop comment ça marche encore. Ouais, on perd toutes nos références. Fou. Voilà, sinon les remerciements, encore un tout dernier petit merci à André, qui aime tellement le podcast qu'il l'a ajouté dans la page des liens essentiels de son site. Je ne savais pas que ça se faisait encore, ce genre de truc, mais ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il nous y a présenté comme une équipe de jeunes passionnés, ça c'est top, qui matinent les émissions de réflexion philosophique. Je trouvais que ça nous caractérisait très bien, c'est tout nous. Merci André. Ouais, je Ah, suis merci à lui. jeune passionné, je suis pas trop sûr, hein, pour vous deux, en tout cas, Ouais, bah ça va. c'est assez passé quand Passionné quand même, on va dire. même. Ouais. Le jeune, je sais Voilà. pas. Et voilà, il nous casse la baraque. Moi, j'étais tout content de côté de John. Bref, et puis sinon, encore avant d'entrer dans le vif des sujets, des gros dossiers que vous avez préparés, peut-être faire un petit point sur les news partagées sur Facebook par notre petite communauté. On n'a même plus besoin de chercher les news nous-mêmes. Ouais, C'est top, elles arrivent toutes seules. je trouve que c'est une belle tradition maintenant à faire. C'est vraiment super sympa et en plus on nous mâche le travail, donc c'est cool. Bon, des news chouettes, quoi. Si celles qu'on trouve nous sont aussi bien que celles-là. Enfin, là, il me semble que ça sort de l'ordinaire. On commence avec Forza Pedro qui a partagé la dernière découverte du télescope Kepler, un système solaire à 6 planètes. On mettra le lien. C'est très joli, des grosses planètes, plus grosses que Jupiter pour la plupart. Bon, avec un petit commentaire de Pedro qui disait que il sait maintenant, sauf erreur comme ça de mémoire, où ses enfants vont passer leurs vacances. Ça promet. Sinon, Olivier Tripet a partagé un lien pour nous indiquer que le cerveau humain a rétréci d'environ 10% depuis 30 000 ans. Donc, il est passé de 1 500 cm3 environ à 1 359 cm3. Bon, c'est un article un petit peu contradictoire, mais avec une conclusion que je retiens, qui est plutôt sympa, c'est qu'on ne serait pas plus bête pour autant. Ça me plaît bien. Pourquoi tu dis contradictoire? Parce que dans l'article, en même temps, il y avait une explication potentielle du plus gros cerveau des humains il y a 30 000 ans, parce qu'ils devaient être plus intelligents, enfin ils avaient besoin d'être plus intelligents parce qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'intelligence collective. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 ans, on vivait pas encore en communauté de manière sédentaire. Et puis, ben, voilà, quelques lignes plus loin, l'article dit que finalement, même si on ne vit, enfin, même si aujourd'hui on peut profiter de l'intelligence collective, et donc on a moins besoin d'être intelligent, et donc on aurait ce plus petit cerveau, on n'est quand même pas plus bête pour autant. Donc, voilà, un poil contradictoire. En fait, je crois qu'on n'en sait pas grand-chose, c'est ça Bon, le truc. j'avais lu cet article aussi. J'ai trouvé intéressant aussi la comparaison avec le chien-loup et le loup. Visiblement, le chien-loup a aussi un cerveau un peu plus petit que le loup, parce que voilà, le chien est beaucoup plus sociable et donc ben voilà, il bénéficie aussi d'une certaine manière d'une, je sais pas si on peut appeler ça d'une intelligence collective, mais il bénéficie d'une sociabilité que n'a pas le loup Ouais, en fait, c'est vrai que t'as pas besoin de penser à tout finalement. T'as pas besoin de penser en même temps à bouffer, à ta sécurité, à Ouais. dormir, à protéger tes petits, parce que voilà, Moi, y a j'avais pas quelqu'un vu qui ça s'en comme occupe. ça. Moi, j'avais vraiment pas vu ça comme ça. J'avais vu ça plutôt comme une optimisation du cerveau après. Ah ouais. Ouais, comme par rapport au chien, là, comme vous disiez, le chien, c'est celui qui a eu un contact avec l'être humain, donc il a dû apprendre de nouvelles choses et elles sont compressées dans. Enfin, pour moi, c'était ça, c'était compressé dans un cerveau plus petit, plus efficace. Je sais pas. Les données compressées. Ouais, c'était ma façon de voir la chose en fait. Donc, Ouais, t'as passé une semaine à faire des zips pour essayer c'est pour ça, pour essayer de faire des Et backups. Et voilà. donc, je suis assez. Non, non, mais c'était vraiment super intéressant. En plus, mais il y a juste un truc qui m'a fait tilter aussi dans l'article. C'est la comparaison avec le cerveau de l'homme de Néandertal, qui avait donc une masse musculaire plus importante. Et donc, qui devait avoir besoin de plus de matière grise pour le contrôler. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez farfelu. Ouais, Ouais. moi aussi, un peu tiré par les cheveux. Ouais, c'est. Donc, faut voir. Voilà, mais enfin, moi, je retiens juste la conclusion. On n'est pas plus bête pour autant. Moi, ça me plaît bien. Ok, sinon, Xavier Agnès, alors lui, c'est carrément lâché avec les liens. Il y en a tellement. Il a commencé avec une histoire intéressante. Le corps intact de trois enfants incas inhumés il y a 500 ans à plus de 6000 mètres d'altitude au sommet d'un volcan argentin. Donc, ils avaient été retrouvés quasi intacts en 1999, en 1999, et puis aujourd'hui, leurs corps sont exposés dans un musée argentin, ce qui fait un peu scandale sur place d'ailleurs, parce que la communauté, enfin les descendants de la communauté dont ils sont issus, estiment que c'est pas leur place. Mais voilà, article très intéressant aussi publié sur nos textes. Donc, évidemment, on trouve tous les liens sur ces articles. Non seulement sur notre page Facebook, mais également dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Toujours Xavier Agnès qui a partagé les nouvelles vidéos d'Hubert Reeves, du Big Bang au vivant, ainsi qu'un article super intéressant sur la formation des premières étoiles après le Big Bang. Vous avez eu le temps de les regarder, vous, les vidéos d'Hubert Reeves? Pas encore, moi j'ai pas encore eu le temps. Pas Ouais, moi non encore, plus. j'ai lu l'article, par contre, sur ces nuages de gaz, là. Ouais, qui fait que les étoiles viennent en cluster, en fait, à Ouais, la place de naître individuellement. C'est exactement. ouais, drôlement intéressant, j'ignorais totalement ça. Xavier Agnès, toujours, qui nous partage une BD que j'ai trouvée absolument géniale, avec des gluons gluants, pour expliquer le fonctionnement du LHC. Ouais, Était ça, géniale cette BD, je l'ai lue ouais. aussi, c'est vraiment super. Bon, je sais pas si on comprend forcément beaucoup mieux le fonctionnement du LHC après l'avoir lu, mais au moins c'est un bon moment. Non, on comprend en tout cas un peu mieux de quoi sont constitués les atomes ou les noyaux des atomes. C'est vrai. Oui, non. Non, c'était bien sympa. Voilà, puis dans ce match du partage de liens sur notre page Facebook, Olivier Tripet n'a pas abandonné la partie, il est remonté au filet de manière spectaculaire, puis a partagé une version du LHC à monter soi-même, pardon, sous forme de guide de montage IKEA, et ces fameux guides qui nous prennent la tête, il manque toujours une vis à la fin. Voilà, on peut créer son propre LHC. Xavier, évidemment, ne pouvait pas en rester là, donc retour à sa frénésie avec un lien qui fait le lien justement entre la suite de Fibonacci et la beauté des plantes. Super intéressant, ça aurait pu être un article de Mathieu, ça. Ouais, mais d'ailleurs, j'y ai pensé une fois ou l'autre, je vais faire un sujet là-dessus, sur les suites de Fibonacci et le nombre d'or. C'est un truc qui m'intéresse assez, moi. Voilà, je l'aurais parié. Donc voilà. Ah, notre match sur Facebook s'intensifie avec un lien d'Olivier Tripet sur un article de Paul Jorion, qui franchement donne un peu mal à la tête, qui s'interroge sur le réalisme scientifique dans le contexte de la physique quantique, où la perception est limitée finalement, et puis toute la problématique de la validation d'une hypothèse par l'expérience trouve ses limites. Honnêtement, j'ai pas lu l'article jusqu'au bout. Il est très long, très prise de tête. Ouais, je l'ai lu, mais faudrait le lire vraiment tranquillement et prendre Ouais, c'est une ça. demi-journée pour comprendre, parce que c'est costaud, hein. Exactement, c'est vrai, il faudrait pouvoir ne penser à rien d'autre et puis ouais, décortiquer ça comme on décortique un texte de philo en réfléchissant à chaque phrase. Bien, mais ça vole assez haut, hein. Vous êtes prévenus. Donc, avantage Olivier à ce stade, qui enchaîne avec une application iPhone qui permet de voir les plus belles images du télescope Hubble. J'ai juste vu le preview, ça m'a l'air bien cool. D'ailleurs, il faut que je l'installe, cette app. Et balle de match chez Olivier Tripet qui nous annonce une planète plus grosse que Jupiter, planquée quelque part dans notre système solaire, mais qu'on n'aurait encore jamais vue parce qu'elle se trouverait trop loin, derrière le nuage d'Oort. Antoine, tu avais quelque chose à dire, je crois, là-dessus, Ouais, non? là j'interviens parce que là non pas balle de match pour moi parce que j'ai Intervention d'arbitre. ouais intervention d'arbitre parce que j'ai appris à me méfier là ça fait quelque temps que les news sur l'astronomie sur les découvertes de planètes habitables on se souvient de Zarmina et de des êtres des bactéries à l'arsenic il faut toujours laisser un petit moment pour voir les sources pour voir s'il y a une vraie corrélation des sources. Et là, je suis tombé sur un article de Phil Plait, donc que ceux qui ne connaissent pas, qui tient le blog Bad Astronomy, qui est une sommité dans le monde de l'astronomie, hein, je pense, et qui a fait un magnifique article pour dire que ce n'était pas encore prouvé que Tyché existe en fait. Tyché, Donc, c'est la Tiché, planète, c'est la fameuse planète, ouais. ouais, c'est la planète qu'on aurait découverte. Rien n'est sûr. Pour lui, c'est typiquement une petite news, quelqu'un qui a vu ça quelque part et qui a amplifié le truc. Amplifié, amplifié, amplifié, et là directement, c'est on a découvert une nouvelle planète en fait. Lisez l'article, c'est édifiant. Il nous montre comment d'un petit truc, ben on est arrivé à un gros phénomène. Mais je suis assez d'accord avec toi, faut se méfier. Parce que souvent, on voit de plus en plus des scientifiques ou des grandes annonces d'une nouvelle découverte. Et finalement, c'est vrai, comme tu dis, il faut laisser un peu de temps pour que ce soit validé. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un peu du vent finalement. Ouais, du sensationnalisme. Oui, c'est. Non, mais en plus, c'était parti de mon truc. Ils avaient vu que Neptune et Uranus avaient une trajectoire un peu bizarre. Donc, ils ont essayé de plaquer les télescopes vers ce nuage pour voir. Donc, ils ont déduit qu'il y aurait peut-être une grosse planète là, mais rien de sûr encore. Rien de sûr. Voilà. Donc, on frise l'égalisation avec le prochain de Xavier, qui partage les vidéos de Lift, qui sont disponibles sur un lien un peu bizarre, clevel.com. Enfin, là aussi, on le trouvera dans les notes de l'émission. Juste pour rappel, pour les personnes qui n'y auraient pas participé, la dernière après-midi de Lift était complètement consacrée aux sciences. Donc, les vidéos du vendredi sont vraiment toutes. Toutes plus intéressantes les unes que les autres, quoi. Je recommande particulièrement celle de Claude Nicollier, qui raconte ses souvenirs dans l'espace. C'était touchant, émouvant, magnifique. Donc Lift, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une conférence qui a eu lieu à Genève il y a 2-3 semaines, non? C'est ça? Ou bien... Ouais, C'est c'était le début 5-7 février. février? Ouais, Ouais. il y a 2 semaines. Voilà, et puis alors finalement, dans cette lutte, ce magnifique match, avantage Olivier, avec un dernier lien super intéressant qu'il a posté ce matin, où on apprend que le kilogramme est la seule unité de mesure qui n'ait pas encore été mappée sur une constante. Donc la référence officielle, c'est un kilogramme étalon en platine et en iridium, enfermé dans un coffre super sécurisé à Sèvres, en France. Et puis l'article parle du projet Avogadro, qui cherche à établir combien d'atomes contient un kilogramme, histoire qu'on se rappelle de la valeur exacte du kilogramme si jamais cet étalon officiel venait à disparaître du coffre. Je m'étais jamais posé la question. Je trouve ça épatant. On a qu'un seul kilogramme officiel, en fait. Cool. Donc voilà, lien intéressant qu'on trouvera également dans les notes de l'émission. Voilà pour les petites news. Du coup, on peut enchaîner avec les dossiers que vous avez préparés. Mathieu, tu as un dossier qui va faire des étincelles cette semaine. Ouais, c'est une Joli. belle transition, dis donc. Joli. Oui, c'est, je vais essayer de tenter d'expliquer comment se produisent les éclairs. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre 40 et 50 éclairs qui ont lieu sur la Terre chaque seconde, et 70% d'entre eux se concentrent dans les zones tropicales. Alors, de manière générale, on voit qu'il se produit, lorsqu'il y a un éclair, il se produit une séparation des charges électriques dans les nuages, lorsqu'un orage s'approche. Et on voit que dans la partie supérieure des nuages, il y a des charges positives qui s'accumulent, et dans la partie inférieure des nuages, on a des charges négatives qui s'accumulent. On verra un peu plus en détail ça plus tard, mais là je fais juste un peu une présentation générale. Les charges négatives qui s'accumulent dans la partie inférieure du nuage, ce qu'elles font, c'est qu'elles induisent une charge positive sur la surface terrestre. D'accord? Donc on se retrouve un peu avec trois zones. Il y a une zone de charge positive en haut des nuages, une zone de charge négative dans le bas des nuages, et nouveau une zone positive sur la surface terrestre. Bon, on sait que les charges de signes opposés s'attirent, le plus et le moins s'attirent. Donc lorsqu'on a une force d'attraction en zone de charge différente qui est trop élevée, il se produit généralement une décharge, un rayon ou un éclair. Ça, c'est un phénomène électrique classique. Quand on a un éclair, ce qui se passe, c'est que les charges positives voyagent vers les négatives et vice-versa afin de se neutraliser. D'accord? Le problème qu'on voit dans le cas des éclairs lors d'un orage, c'est que normalement, il ne peut pas se produire de décharge dans l'air parce que l'air est un isolant électrique. Alors, on voit qu'on a un peu une contradiction parce qu'on a quand même des éclairs, malgré que l'air soit un isolant électrique. Et Ils n'ont pas dû lire la théorie. pour résoudre cette contradiction, en fait, il a fallu attendre assez tard, 1992, date à laquelle un scientifique russe qui s'appelle Alexander Gourevitch proposa une explication. C'est qu'en fait, les nuages recevraient, alors là je vais être un peu énigmatique, on va voir un peu plus tard, mais les nuages recevraient une aide provenant de l'espace pour déclencher la décharge électrique qui correspond aux éclairs. Alors, L'électricité subventionnée. alors qu'est-ce qui se passe exactement? Comment ça fonctionne exactement, l'électrification des nuages? Le procédé de séparation des charges dans les nuages, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas compris complètement par la communauté scientifique. Il n'y a pas un consensus encore là-dessus. Mais la théorie avancée actuellement, la plus probable, est la suivante. Lorsqu'il y a un orage qui s'approche, il se produit de forts courants d'air chaud ascendant qui entraînent les petites gouttes d'eau qui constituent les propres nuages vers le haut. D'accord? On a l'air chaud qui monte et les petites gouttes d'eau qui se trouvent dans les nuages sont attirées vers le haut du nuage. En montant, ces gouttes d'eau se refroidissent rapidement de plusieurs dizaines de degrés au-dessous de 0 degré Celsius. À partir de là, il y a deux cas qui peuvent se produire. Dans le premier cas, si la goutte d'eau rencontre dans le nuage une particule de poussière ou de cristal de glace qui est déjà présent, préexistant dans le nuage, la goutte d'eau peut s'adhérer et se congeler avec cette poussière ou ce cristal de glace préexistant. Il se forme alors un cristal de glace de plus en plus grand, et lorsque son poids ne peut plus être supporté par les courants ascendants, bah celui-ci tend à se précipiter sous forme ou de flocons de neige si on est en hiver ou de grêle si on est en été. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Dans ce cas-là, on n'a pas d'éclair. Le deuxième cas, c'est là on va voir où il peut y avoir une apparition d'éclair. Parce que dans certaines occasions, lors de la friction ou du frottement de la goutte d'eau qui est élevée par les courants ascendants, donc lorsqu'il y a un frottement de cette goutte d'eau avec une particule de poussière ou un cristal de glace préexistant, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas toute l'eau de la goutte qui s'adhère au cristal préexistant. Il y a une partie de la goutte qui peut survivre individuellement et qui se convertit en un minuscule cristal de glace indépendant. Lors du frottement initial qu'il y a eu, il y a un transfert de charge qui peut avoir lieu. C'est-à-dire la goutte d'eau transformée en cristal de glace minuscule acquiert une charge positive et vu sa taille très petite, elle continue d'être entraînée par les courants ascendants vers le haut du nuage. Le flocon de grêle, lui, qui était déjà présent dans le nuage, lui acquiert une charge négative et dû à son poids, il a tendance à occuper la zone inférieure du nuage. Donc avec le temps, la zone supérieure du nuage se charge positivement via ces petites gouttes d'eau cristallisées chargées positivement, alors que les parties des plus grosses chargées négativement, les particules plus grosses, pardon, chargées négativement, s'accumulent dans la zone inférieure du nuage proche de la Terre. Et la proximité des charges négatives du nuage avec le sol induisent un autre phénomène. La Terre est considérée comme un conducteur électrique. Donc, c'est-à-dire que les charges électriques qui se trouvent en son sein peuvent se déplacer facilement. Donc, étant donné que les charges opposées s'attirent, la présence des charges négatives dans la partie inférieure du nuage induit une zone de charge positive sur le sol de la Terre, juste au-dessous du nuage. Donc finalement, on se retrouve avec deux zones, comme je l'ai dit avant, où s'accumulent des charges positives d'une part au sommet du nuage et d'autre part sur le sol, alors qu'au milieu ou dans la partie inférieure du nuage se trouve une zone de charge négative. Donc ça, c'est la situation actuelle et on voit qu'il y a un champ électrique qui est créé dans le nuage entre les charges positives du haut du nuage et les charges négatives du bas. Donc à partir de là, on voit que la décharge électrique n'a pas lieu spontanément, dû au fait que l'air est un excellent isolant électrique. Le champ électrique qui s'est créé au sein du nuage n'est pas suffisant pour qu'une décharge ait lieu. Le nuage, en fait, il reçoit une aide extérieure, comme je disais avant, qui provient de l'espace, qui provient en fait des rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques, donc l'origine des rayons cosmiques peut être diverse, ça peut être des vents solaires, des explosions de supernova. Ces rayons cosmiques bombardent la Terre en permanence. Ils sont composés de particules individuelles possédant de très hautes énergies. Et quand ces particules des rayons cosmiques entrent dans l'atmosphère, elles rentrent en collision avec des molécules présentes dans l'air, libérant ainsi toute leur énergie et générant des centaines de nouvelles particules. On sait que depuis la théorie de la relativité d'Einstein, donc E est égal à mc carré, donc l'énergie est égale à masse fois la vitesse de la lumière au carré, que l'énergie peut se convertir en masse et que la masse peut se convertir en énergie. Ou autrement dit, que la masse est une forme d'énergie. Donc l'énergie des rayons cosmiques se convertit donc en de nouvelles particules dû au choc avec les molécules qu'il y a dans l'air et à la désintégration de ces molécules. Et ainsi, de nombreux nouveaux électrons vont apparaître, chacun d'entre eux portant une partie de l'énergie libérée. Si un de ces rayons cosmiques impacte contre un nuage annonçant un orage, des électrons libérés peuvent alors s'introduire dans le nuage préalablement électrifié. Ils vont alors se trouver au sein d'un champ électrique du nuage, parce on a dit avant que le nuage était chargé, il y avait du positif en haut et du négatif en bas. Ils se trouvent donc au sein d'un champ électrique, ce qui va aider encore à augmenter encore plus leur énergie. Donc grâce à ces rayons cosmiques au champ électrique du nuage, un phénomène de génération en cascade d'une avalanche d'électrons a lieu, accompagné d'une amplification de leur énergie. Et si l'énergie de ces électrons, donc de charge négative, permet de les amener et de les situer entre la superficie de la Terre chargée positivement et la base du nuage chargée négativement, ils seront alors d'une part attirés par la Terre, le plus attire le moins, et d'autre part repoussés par la partie inférieure du nuage qui est négative, le moins repousse le moins. Autrement dit, ces électrons vont être poussés vers le bas dans différentes directions, et c'est ce qui va déclencher la phase initiale de l'éclair. C'est un phénomène précurseur qu'on appelle traceur, qui précède l'arrivée de la foudre. Vous verrez sur le site, sur la page de cet article, il y a une vidéo qui montre très bien ce phénomène. Donc, on voit qu'au départ de l'éclair, dans la phase initiale, il y a des rayons qui partent un peu dans tous les sens. Mais ce n'est pas réellement encore la foudre, c'est vraiment la phase initiale. Cette phase initiale, ou activité précurseur de rapprochement des électrons possédant une énergie élevée vers le sol, en fait, elle est responsable d'ouvrir ce qu'on appelle un canal conducteur entre le nuage et la Terre. Lors de l'arrivée des électrons précurseurs à une dizaine ou une centaine de mètres de la surface de la Terre, une décharge ou une étincelle partant du point du sol monte à leur rencontre. Donc, les ions positifs accumulés sur la superficie terrestre ont tendance à être attirés par ces électrons traceurs en envoyant des petites étincelles. C'est ce qui peut donner une impression que la décharge électrique monte en fait. Je ne sais pas si vous avez D'accord. déjà vu ça, on a l'impression qu'en fait, l'éclair monte aussi. On voit très bien sur la vidéo qui sera sur le site. Et en fait, les électrons accumulés dans la partie inférieure du nuage sont alors attirés à leur tour et déchargés librement vers le sol via ce canal conducteur, sous forme d'un éclair aveuglant, où là, oui, on peut parler de foudre. Et donc, les ions positifs qui se trouvent sur la Terre possèdent une masse 1000 fois supérieure à celle des électrons. Donc, leur mobilité est extrêmement faible, ce qui justifie que ce soit les électrons provenant des nuages qui se déchargent vers la Terre et non l'inverse. D'accord. D'accord? Et pour terminer, tout au long de la trajectoire de l'éclair, qui est finalement un éclair, une largeur de quelques centimètres, pas plus. Il y a un réchauffement qui a lieu et qui dilate subitement l'air du canal conducteur. Et ce réchauffement génère des ondes de choc comparables à celles qui sont formées par un coup de canon, et c'est ce qu'on appelle le C'est tonnerre. tonnerre. Ouais. Exactement. Le tonnerre est donc dû à l'expansion explosive qui accompagne une montée soudaine et rapide de la température dans le canal conducteur. Voilà. En fait, Ok. c'est les molécules d'air qui sont chauffées par le passage des électrons, c'est ça? Oui, exactement. Et ça crée une onde, le réchauffement crée une onde, et cette onde crée le son du tonnerre. D'accord. Mais enfin, ce que je trouve fou, c'est quand même que la gâchette pour un éclair, c'est quand même l'espace, en fait. Exactement, ouais, Ouais, c'est incroyable. Alors, ça, c'est le scoop de la soirée. Ouais. Alors, je crois que c'est là-dessus où il n'y a pas peut-être encore tout à fait un consensus, mais ça semble être la théorie la plus probable. D'accord. Ouais. Donc on n'est pas tout à fait certain de ce qui provoque l'étincelle, en gros. On a compris tout le reste du phénomène, la charge, les nuages qui demandent qu'à péter tellement ils sont chargés électriquement. Je ne suis pas non plus Mais sûr si on est complètement convaincu de la raison de pourquoi la partie supérieure du nuage se charge positivement et la partie inférieure négativement. L'idée là que j'ai proposée, c'est de dire qu'il y a eu un frottement en des petites particules avec des particules déjà présentes, cristallisées, et que ce frottement charge les particules qui après Oui, se mettent en haut ou en bas selon. d'accord, mais même ça, on n'en est pas tout à fait sûr, donc. Je veux pas être trop affirmatif, mais je crois qu'il y a encore un ou deux doutes là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est D'accord. impressionnant, c'est qu'a priori, vraiment ce qui lance, ce qui déclenche le phénomène, c'est vraiment des rayons cosmiques. Oui, ça, j'étais sur le cul quand t'as dit ça. C'est vraiment. Comme quoi, Et finalement, hein. il y a un peu trois phases qu'on voit dans l'éclair. Il y a une phase initiale où tous ces électrons qui sont été générés par le rayon cosmique s'approchent de la Terre et partent un peu d'adolescents dans tous les sens. Donc c'est un premier éclair un peu à différentes branches qui apparaît. Après, il y a depuis le Sol des éclairs, d'autres décharges qui remontent vers ces électrons. Et après, grâce à ça, il y a un canal conducteur qui se forme et qui permet vraiment une décharge complète depuis le nuage vers la Terre. Tu as des chiffres du voltage ou pas? Non, alors j'ai Non. pas de chiffre là du voltage. Mais ça doit être assez élevé, je pense. Ah oui, je pense, ouais. Mais. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis, moi j'ai une autre question comme ça, je ne sais pas si tu es tombé dessus en préparant ton sujet, mais il me semble qu'il y a beaucoup plus d'éclairs, enfin beaucoup plus d'orages en été. Mais ouais, c'est Alors, je pense que ça doit être dû au aux courant courants ascendant, ascendants non? qui sont chauds, ouais. Parce que D'accord. ces courants ascendants chauds permettent aux particules dans les nuages De se séparer. De monter, elles les élèvent et en s'élevant, ces particules se refroidissent. Et ce refroidissement fait après qu'il peut y avoir un frottement avec d'autres particules et une répartition positive ou négative dans le nuage. Mais c'est dû au OK. courant ascendant aussi le phénomène initial, ouais. D'ailleurs, en tout début, tu avais dit que il y avait une autre possibilité, c'est que de la formation de grêle, c'est ça? Au tout début. Comment, Au tout comment? début. La formation de grêle. Ouais. C'était dans l'hypothèse Ouais. C'est. où ça se séparait pas. Exactement, ouais. C'est assez rare, non? Enfin, moi, j'en ai vraiment pas vu des masses, en fait. De grêle? Ouais, de grêle, moi. Ah non, moi j'étais. Ah non, alors chaque été, j'ai quand même Ah oui? compté à deux, trois précipitations de grêle, moi. En tout Non, cas, en non. Suisse, un peu moins en Espagne, mais en Suisse. Ben, en tout cas, dans le sud de la France. Professeur Fon, toi, t'en vois quand même quelques-unes en été, non? Ouais, j'aurais peut-être pas dit deux, trois, mais effectivement, au moins une fois par année, ça. Ah Ouais, oui? ouais, D'accord. ouais. Ben, moi, j'ai dû en voir 5 dans toute ma vie, quoi, en fait. Ah Ah, non, c'est bah ouais. bizarre. C'est bizarre, faudra se renseigner sur ça. C'est pour ça, t'avais dit le premier cas et pour moi, j'avais pas l'impression que c'était si souvent que ça en fait. Mais bon, faudrait que je me renseigne sur. Top. Bah écoute, merci beaucoup. Super, ce super dossier. Comme d'habitude, impossible, nul n'est tenu, sauf Mathieu. Ouais. Mais comme quoi, quand même, il arrive quand même à nous mettre du rayon cosmique Ah, dans les j'ai pas pu idées. éviter, hein. J'ai pas pu Ouais. éviter. Je pensais qu'on Ouais. partirait dans les plasmas, là, mais non, en fait, c'était Non, mais dans les rayons cosmiques. pour être honnête, j'étais autant surpris que vous pour les rayons cosmiques. Hein. Quand j'ai décidé de faire le dossier, j'avais pas du tout conscience que les rayons cosmiques intervenaient dans le phénomène. Ouais, c'est le scoop. Le scoop du truc. Voilà. Ok, Antoine, toi, tu nous as aussi préparé quelque chose. Sujet piquant, si j'ose. Là, t'es très en forme pour les petites transitions. Ouais. Allez, on Oui, fait. en fait, sujet assez piquant parce que je vais vous parler de l'acupuncture. Donc, tout a commencé, en fait, il y a quelques mois. J'étais en train de discuter avec le professeur Fon et je t'avais appris, je me rappelle, que mon père était médecin spécialiste de l'acupuncture. Et toi, non familier de la pratique, tu pensais que c'était vraiment que poudre aux yeux et effet placebo, tout ça. Ouais, j'ai poussé des cris de sceptique, Et... et dont je suis bien revenu d'ailleurs. Ouais. Mais depuis, tu vois, je me suis fait la promesse solennelle de pondre un petit dossier pour lever le voile sur cet art millénaire chinois. Donc là, Un me art ou une voilà. science alors? Ah, vous allez voir, vous allez voir. Donc, me voilà, rien que pour vous, avec une petite introduction à l'acupuncture. Et on va commencer par tout d'abord par situer le contexte. Alors, première chose, là, ça commence bien, on ne sait vraiment pas quand est née l'acupuncture, en fait. Ça se perd au fin fond des temps. Et on ne sait pas non plus où se trouve son berceau. Mais les premières références à cette discipline, en tout cas en Chine, sont découvertes dans les mémoires historiques, ouvrages de Sima Qian, un des premiers historiens chinois. Donc là, ça nous situe à peu près l'implantation de l'acupuncture en Chine aux alentours du 2e siècle avant Jésus-Christ, en fait. D'accord. Donc, ça fait un bout de temps, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des traces d'acupuncture dans les civilisations égyptiennes ou même sur Otzi, vous savez, c'était ce gars qui était retrouvé dans la glace Exactement, ouais, entre entre l'Italie et la l'Italie. Suisse ou en Italie, je me rappelle plus, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Il était retrouvé. Donc, il avait des marques de tatouage qui étaient mis Ouais. à des points d'acupuncture, en fait. Hmm. Donc, ça D'accord. pourrait. Je ne sais plus, vous savez, l'époque d'Otzi, quand Ouais, il a c'était il y été a 4000 daté? ans, je crois. 4000 Je ans, sais ouais, plus si voilà. c'était 4000 ou 6000, mais je dirais 4000 comme ça. Donc voilà, par là, donc il avait déjà des tatouages qui étaient à des endroits spécifiques qui sont typiques de l'acupuncture, en fait. OK. Donc voilà. Mais c'est vraiment les Chinois qui ont formalisé la chose avec leurs écrits. Donc en Chine, l'acupuncture est utilisée pendant 2 millénaires pour rétablir surtout l'équilibre entre le yin et le yang. Donc le yin et le yang, ce sont les deux énergies qui circulent au travers des méridiens dans le corps humain. On reviendra à cette histoire de méridiens, vous allez voir, c'est assez pointilleux. Mais en Occident, il va falloir attendre le 19e siècle pour qu'on s'intéresse à l'acupuncture. Et là, celui qui va tenter de l'introduire en Europe n'est autre que Louis Berlioz. Ah ouais? Louis Berlioz, c'est le père, en fait, du célèbre compositeur Hector Berlioz. Il était médecin. Et on dit toujours qu'il a deux paternités. Une qui est célèbre, donc c'est son fils Hector. Et l'autre, c'était l'acupuncture en Occident, en fait. Mais ça n'a pas très bien marché. Il y a eu beaucoup de scepticisme. Et cette discipline meurt petit à petit jusqu'à son renouveau dans les années 70 avec l'arrivée des immigrants asiatiques, en fait. Donc voilà, là c'était pour l'introduction historique. Maintenant on va passer au principe de l'acupuncture. Donc c'est grâce à des aiguilles que le médecin stimule des points spécifiques situés sur des trajets bien précis, les méridiens. Mais on va déjà parler des points d'acupuncture, en fait. D'après une étude de comparaison menée en 1989, il s'est avéré que 309 points d'acupuncture sont situés au-dessus ou tout près de minuscules nerfs, alors que 286 autres points sont proches de vaisseaux sanguins, eux-mêmes entourés de nerfs appelés nervis vasorum. En fait, tout ça pour dire que c'est pas juste des points mis au hasard, en fait. Il y a une vraie corrélation avec la biologie humaine. Et c'est ce qu'on a découvert donc en 1989. Et c'était vraiment beaucoup trop pour être une coïncidence, quoi. Et pour ajouter un peu plus de poids scientifique, déjà en 1921, on s'est amusé à mesurer une baisse de résistivité électrique de la peau à ces points précis. Vous voyez, donc c'est des points qui sont assez spécifiques et il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais bon, en revanche, la science n'arrive toujours pas à statuer sur les canaux d'énergie, ces fameux méridiens où circulerait l'énergie du corps. Et il y a juste un tout petit espoir qui vient de nos amis allemands. Parce qu'en utilisant des instruments de thermographie dermique, donc qui mesuraient la température de la peau, ils ont trouvé qu'en appliquant une source de chaleur au point d'acupuncture, celle-ci se diffusait en suivant de manière privilégiée les trajets supposés des fameux méridiens, en fait. Ah ouais. Donc, là, c'était en 2005, et les résultats sont encore à l'étude. Vous savez, c'est assez long, il faut faire des... faut être peer review, comme on dit, et rien n'est encore sûr, donc c'est un résultat à mettre entre guillemets. Mais maintenant, on va s'attaquer à une grosse différence culturelle. Si en Orient, comme je l'ai dit, l'acupuncture est utilisée principalement pour réguler les déséquilibres du corps humain, comme troubles du sommeil, migraines ou nausées, ben en Occident, elle est aujourd'hui principalement utilisée dans un but analgésique pour supprimer la douleur. Et en fait, ça fait parfaitement sens, puisque les points d'action sont situés sur des nerfs du corps humain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des études de 1977 à 2001 ont d'ailleurs suggéré que l'acupuncture stimulait la libération d'endorphines. On a prouvé ça en administrant de la naloxone, c'est une molécule inhibitrice des récepteurs morphiniques. Les scientifiques ont constaté une suppression de l'effet analgésique de l'acupuncture, en fait. Ouais, Voilà. on en avait déjà parlé avec le placebo Oui, de la ouais. naloxone, ouais. Ça me disait bien quelque chose, ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc l'acupuncture, elle, en fait, elle permet une libération de l'endorphine, ce qui fait cet effet analgésique, en fait. Donc là, ces études, quand même, de 77 à 2001, ça fait un paquet d'études Ouais. qui appuient donc l'hypothèse de l'action neuro-hormonale de l'acupuncture. Mais maintenant, il y a un autre mystère qui vient juste d'être levé, c'est la division de la population humaine en deux catégories, en fait. Il y a ceux qui sont réceptifs et ceux qui ne le sont pas à l'acupuncture, en fait. Là, ça pose quand même un petit souci si on veut Petit peu, propager ouais. la pratique, en fait. Mais dès 90, on a étudié deux populations de rats, l'une qui était réceptive à la stimulation de points d'acupuncture et l'autre non. Donc, en fait, j'ai lu un petit peu l'étude, donc c'était pas des points d'acupuncture, en fait, hein. C'est un phénomène chez les rats que je connaissais pas du tout. Vous connaissiez le tel shift? Non. Non? Non? C'est Tel en fait, shift. ouais, shift, il faudrait que je vérifie le terme. C'est quand un rat a un stimulus douloureux, en fait, il a un réflexe qui lui fait remuer la queue très vite. Vous voyez? OK, ouais, je connaissais pas. Ben, moi, je ne connaissais pas non plus. Le truc, c'est qu'ils ont essayé de trouver des points grâce à l'acupuncture. Donc, ils ont piqué un peu des rats. Ces points-là, pour les rats qui étaient réceptifs, ben, en fait, ils ralentissaient le rythme de balancement de la queue, en fait, pendant le Ok. stimulus douloureux. Donc, Donc effet analgésique. effet analgésique. Ils ont divisé ces rats donc en deux populations, ceux qui étaient vraiment réceptifs et ceux qui ne l'étaient pas. C'est vraiment comme ça, quoi. Mais après avoir injecté aux rats non réceptifs de la déphénylalanine, DLA, qui est une molécule qui inhibe les enzymes qui dégradent les opiacés, ces rats sont ensuite rentrés Attends, tout de attends, suite. on aurait dit un sujet de votation suisse que tu viens de dire. C'est une molécule qui inhibe les effets. Ah oui, alors Comment t'as dit? oui, désolé, c'est une molécule qui inhibe les Ouais. enzymes qui dégradent les opiacés. Donc les Qui opiacés, inhibe les enzymes qui dégradent les opiacés, voilà, d'accord. qui inhibe Ok. les enzymes qui détruisent morphine, tout ce qui est analgésique, en fait. Ouais. En éjectant ça, ils sont ensuite totalement rentrés dans la catégorie réceptif, en fait. Donc il n'y avait plus qu'une catégorie. Les scientifiques en ont conclu que pour la réceptivité à l'acupuncture, c'est tout se joue encore dans des différences hormonales entre les personnes. Certaines sont D'accord. plus d'enzymes qui dégradent les opiacés, ou ça dégrade plus efficacement. C'est pour ça que ça marche de plus ou moins bien suivant les personnes. D'accord. Donc, en conclusion, sans être entièrement confirmé, l'efficacité de l'acupuncture pour traiter la douleur est quand même de plus en plus crédible. Maintenant, il y a quand même quelque chose, là, il faudrait que j'en parle. C'est dès 1972, il y a eu un timbre chinois, un timbre chinois, je vous le mettrai en illustration, à l'effigie d'une opération chirurgicale à cœur ouvert qui se serait passée sous anesthésie par acupuncture. Mais bon, Ouais. là, c'est vraiment, là, sur ce coup. Je pense plutôt que c'est un peu une propagande un peu vraiment très. Là, il va falloir vérifier les sources. Va falloir vraiment vérifier. J'ai regardé anesthésie, acupuncture, Il y a eu des cas, mais c'est jamais de l'acupuncture tout seul. Il y a toujours un anesthésiste avec. Hein. Et c'est jamais vraiment pour la douleur elle-même. C'est surtout pour rééquilibrer le corps après en post-opération, quoi. Et donc ce thème, on m'a vraiment fait. J'étais vraiment surpris de le voir. Et il faut encore que je fasse des recherches, mais je pense que c'est assez grossi quand même comme truc. Vous imaginez juste quelques petits points et hop, opération à cœur ouvert. Ouais, j'y crois pas trop, personnellement. Écoute, moi j'y crois pour avoir étudié un peu l'effet placebo. Je pense que c'est tout à fait possible, indépendamment de l'acupuncture. Mais Oui, ça va avec marcher que l'hypnose, chez certains peut-être. sujets, que chez, ouais, pardon, certains sujets. Ouais, hypnose ou acupuncture ou chamanisme ou n'importe quoi. À partir du moment où la Donc, j'y personne crois. est sensible et y croit, tout est possible. Voilà. C'était une adolescente de 15 ans et c'est devenu un timbre qui s'était fait opérer du cœur et c'est devenu un timbre mythique. Donc c'était D72, quoi. Mais il fallait le noter parce que c'était quand même la première fois où vraiment il y avait un mariage entre l'Orient et l'Occident au niveau médecine. Est-ce que tu as déjà essayé l'acupuncture? Oui, j'ai fait de l'acupuncture. Ouais. Enfin, mon père m'en a fait pour me relaxer, et ça marche très bien. Et beaucoup d'amis à moi, donc à mon avis, ils devaient être dans la population réceptive, passaient par mon père pour des troubles de l'attention, des troubles du sommeil, même pour arrêter de fumer, des trucs comme ça. Et Mais on dit généralement que la médecine chinoise est une médecine préventive, contrairement à la médecine occidentale qui est plutôt curative. Oui, c'est Et vrai. là, quand j'écoute un peu ce que tu nous dis, j'ai l'impression qu'on a un peu détourné, Ouais. l'acupuncture d'un côté préventif à un côté curatif finalement. Ah oui, totalement, totalement, parce que en France, en Occident, la plupart, comme je l'ai dit, c'était vraiment à but analgésique, alors que si j'ai étudié ça, c'est 5 à 10% juste des actions en Orient, en Chine. Oui, donc c'est assez marginal par rapport à tout le reste, tout ce qui est troubles du sommeil, faim, fatigue, tout ça. Voilà. Comme le disait un petit article que j'ai bien aimé la formulation, l'acupuncture est donc passée de l'empirisme oriental à la rigueur scientifique occidentale. Et en fait, je trouve que les deux ne sont pas totalement incompatibles tout le temps. Donc c'était Ouais, cool. pas toujours, effectivement. Ouais. Donc voilà, Ça aurait pu faire la côte de l'émission. On aurait pu te la réserver, celle-là. Ah non, non, non. Au début, j'étais chagriné parce que j'ai commencé à faire le dossier, à prévoir. Donc je suis pas totalement neutre dans l'affaire quand même parce que mon père est acupuncteur. Et toutes les premières sources que je regarde, c'est... Oui, la computer n'est pas efficace, son efficacité n'est pas prouvée, tout ça. Et en fait, non, si on creuse et tout, il faut vraiment voir. Là, les scientifiques sont, on va dire, prévenants. Ils essayent de voir, mais c'est pas encore prouvé, mais on verra bien avec le temps. Ouais, mais moi j'ai l'impression que l'ambiguïté vient du fait, comme tu le disais Mathieu tout à l'heure, qu'on a complètement récupéré la technique, on l'a détournée de sa vocation originale, et puis finalement on s'attend à ce que ce soit une espèce de cure universelle, ce qu'évidemment ça n'est pas, quoi. Oui, quelque Et chose de ouais. miraculaire, miraculeux. Oui, je... Exactement, une panne, ouais, la panacée. Évidemment, face à des attentes pareilles, n'importe quelle technique ne peut que décevoir finalement. Mais si on la remet dans son contexte, c'est vrai, Mathieu, tu m'as ouvert les yeux sur l'acupuncture. J'étais convaincu que c'était un de ces trucs qui fonctionnait que grâce au placebo. Mais du coup, tu as titillé ma curiosité. Je me suis renseigné un peu. Documenté, j'ai vu qu'il y a effectivement des tas d'études sérieuses qui indiquent que ça marche très bien, pas pour tout, mais c'est pas les chiffres du placebo. Les résultats de l'acupuncture sont bien supérieurs aux fameux 30% du placebo. Ouais, d'ailleurs, il y a plein d'études sur le sujet dans un livre que je suis en train de lire. Enfin, je m'éternise à le lire. C'est un de ces trucs que j'ai dû commencer au printemps dernier, puis j'ai toujours pas fini. C'est mon livre de chevet. Je lis un paragraphe, je m'écroule. Et puis, donc, c'est bientôt mon compagnon depuis une année. Je vois, j'en ai peut-être déjà parlé, Thierry Janssen. Le titre est un peu nul, ça s'appelle La solution intérieure. Mais le livre est vraiment génial, quoi. C'est un médecin occidental, mais qui est vachement intéressé par toutes les techniques alternatives et puis la médecine, enfin les approches orientales en général. Puis il les décortique toutes les unes après les autres, hein, en s'appuyant à chaque fois sur des études documentées. Donc il y a une rigueur scientifique dans dans la démarche. Et puis effectivement, il a plein de trucs à dire sur l'acupuncture qui marche, comme tu l'as dit, quoi, dans toutes sortes Oui, de contextes. Puis lui, il a une hypothèse par rapport au méridien, parce qu'il a souligné, comme toi, que pour la science occidentale, c'est une notion qui est encore un peu floue. D'ailleurs, tout ce qui touche aux énergies, etc., c'est pas encore très net, quoi. Mais lui, son hypothèse, alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a étudié puis l'a creusé. Il revient en fait au développement embryonnaire où on a trois couches de tissus qui se forment successivement. Sauf erreur comme ça de mémoire, c'est l'exoderme, l'endoderme et le mésoderme. Je me rappelle plus lequel est lequel. Mais l'une de ces couches va finalement donner la peau et puis et les organes les organes qui sont plus près de l'extérieur du corps, une autre les organes internes et puis la dernière plutôt le squelette et ces choses-là. Et puis il arrive à faire alors je me rappelle plus exactement du raisonnement, mais il arrive à faire un lien entre des vestiges de ces trois strates originelles. Elle est un équivalent qui pourrait correspondre au méridien. Donc il y a ça d'une part, et puis de l'autre côté, pour tout ce qui est yin et yang, et cette recherche d'équilibre entre ces deux énergies contradictoires, qu'on retrouve dans la médecine chinoise, mais qu'on retrouve aussi dans la philosophie ayurvédique indienne et ce genre de choses, il fait un comparatif avec le système sympathique et parasympathique. Au niveau du système nerveux humain. Et puis ça m'a tout à fait l'air de tenir la route, en fait, cette approche. Donc en gros, ouais, tout est basé sur des équilibres entre des rapports de force entre ces deux systèmes qui ouais, l'un inhibe l'autre en fonction de la situation. Alors, en gros, on en a un qui nous permet de nous reposer, de digérer, de récupérer, et puis l'autre qui nous permet de mobiliser nos forces pour faire face à un danger. Et puis effectivement, il suffit qu'il y ait un déséquilibre entre les deux, puis on est mal, quoi. Et donc lui, il fait un rapprochement entre le yin et le yang, et puis ces deux équilibres biologiques qui sont observés et reconnus par la science occidentale. Enfin, j'ai trouvé ça très convaincant. Il en parle beaucoup mieux que moi. Je crois que je vais mettre les références du livre et puis je vais me dépêcher de le finir et d'essayer d'en parler mieux. Ouais, hein, drôlement intéressant en tout cas. Drôlement intéressant d'arrêter de voir l'acupuncture comme une espèce de panacée, de la replacer dans son contexte et puis de s'apercevoir que voilà, dans ce contexte-là, ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien, ouais. Cool, Ouais, cool. excellent. Ouais, et moi j'ai une question concernant l'acupuncture, ça fait mal? Pas du tout, pas du tout. On le sent à peine, hein, en fait. Hein. Les aiguilles sont vraiment enfoncées. Elles sont pas enfoncées genre comme une seringue, quoi. Hein. C'est vraiment enfoncé à D'accord. 2-3 mm de la peau. Et non, non, ça fait pas mal. On sent quand même on sent une chaleur à chaque fois. Enfin, je sais pas si c'est là. Ça me rappelle, ouais. Et on sent une chaleur qui se dégage de ces endroits. Et il faut que je mettrai les liens vers l'explication. Là, je m'en rappelle plus du tout, mais c'est une explication scientifique en fait. Il y a vraiment de la chaleur qui s'en dégage un petit peu, et il y a même normalement des petites traces rouges qui devraient apparaître, un petit rond rouge qui apparaît, si c'est bien fait. Et donc là, non, ça fait pas du tout mal. En plus, on est allongé, tranquille, Une sur une... session dure combien de temps, plus ou moins? 20 minutes, 30 minutes, ouais. D'accord. Mais il y a beaucoup de temps de repos. Hein. Mon père, il met les aiguilles et hop, après, il va s'occuper d'un autre patient. Et pendant ce temps-là, on est là sur la banquette, tranquille. Et il m'a déjà dit qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient endormis. On a mis pendant le temps dans la session, donc ouais, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Parfait. Cool. Ben... Peut-être inviter ton père à venir nous en parler. Ouais, mais non, trop timide, trop timide. Ah. Donc à l'occasion, je lui demanderai de faire un petit témoignage ou quelque chose Non, à l'occasion, on comme viendra te ça. voir à Montpellier et on lui demandera Et qu'il nous fasse une petite voilà, on lui séance. demandera quoi. Ouais. Ouais. Au pire, je lui demanderai vraiment là, je pense que ça devrait aller de commenter sur mon dossier quoi. Ça devrait aller. Ouais. Ah, bah cool. Ouais. Ouais, autrement, moi, je me sacrifie, je me dévoue. Je viens Tu faire vas pour essayer. Ouais, je viens faire un live reportage. Dans la salle du promenade du docteur, quoi. Excellent. Donc voilà. Ok, peut-être juste dire encore une chose concernant ton dossier. On a la chance de Oui. le voir illustré par Oui. Lucille cette semaine. Donc voilà, ceux qui n'y auraient encore pas songé spontanément, il faut vous précipiter sur le site. C'est Elle super est cool. vraiment super marrante. Très courte, mais très efficace. Et Exactement. c'est le genre de truc qu'il y a partout dans la salle d'attente de mon père, en fait. Plein de C'est vrai? trucs circulaires. Ouais, il y a un dessin avec un. Enfin, il y a un tableau avec un dessin. Il a reçu ça lors de sa remise de diplôme. Et c'était un mec qui. Et on le voit, mais genre percé de partout par les aiguilles. Et il y a une patiente dans la salle d'attente un peu angoissée qui lui demande, ça fait mal? Il fait non, pas du tout, pas du tout. Et c'est le genre de trucs qui font bien rigoler. Et je pense que je lui montrerai ce dessin de Lucille. Et il va adorer. C'est un peu le même esprit. C'est vraiment super. Voilà. Et Excellent. d'ailleurs, en parlant de dessin, il y a une planche de Boulet, donc c'est un dessinateur de bande dessinée, qui est vraiment génial. Je vous la mets en lien. Et en fait, il avait une application sur iPad. Je la connais pas. C'est une application qui fait voir les éléments du tableau périodique des éléments et tous les éléments chimiques et qui permet de faire de manipuler des molécules en trois dimensions, tout ça. Ouais. Il s'amusait à ça pendant des heures. Et en fait, il s'est posé la question, mais pourquoi on remplacerait pas l'astrologie, la numérologie, tout ça, par quelque chose basé sur les éléments chimiques qui s'appellerait la chimiologie? Et ça donne vraiment une planche vraiment super, avec des jeux de mots, avec des éléments chimiques. Donc bon, il faut être un petit peu scientifique pour comprendre, mais ça va quoi. Un petit exemple, d'ailleurs, qui m'est personnel, c'est... Hop, je retrouve la planche, oui. Alors, moi je serais carbone. Pourquoi carbone? Parce que vous avez des affinités avec les oxygènes, vous êtes ouvert et sociable et pouvez réaliser de très jolies choses sous la pression. Ah, Vous joli. voyez? Joli. Et donc voilà, je dis que je suis carbone parce que j'ai beaucoup d'affinités avec les oxygènes, vu que ma chérie s'appelle Aude et que je l'appelle souvent O2. Vous savez, dioxygène. Ah ouais. C'est mon petit bol d'air. Donc voilà, c'est le genre de Bon, choses. ça, c'est notre devoir pour la semaine prochaine. Il faut qu'on trouve notre signe chimiologique. Chimiologie, On quoi. va définir notre signe chimiologique, ouais. Je trouve ça vraiment marrant. Je trouvais ça marrant. Et ça, hop, et ça change de l'astrologie, la numérologie, tout ça. Parfait. On a eu une petite coupure là, je crois, mais c'est pas grave, quoi. Professeur Fun, t'es avec nous? Ouais, moi je suis là, ouais. Ok, Ouais. Je voilà. suis aussi sur le site de Bullet Corp en même temps, qui fait des bruits très bizarres au passage Oui, de c'est la ça. souris. Voilà, j'espère que ça s'est pas entendu. Ok, donc on arrive gentiment au bout de l'émission. Encore Il nous juste reste. une petite chose Ouais. au sujet de mon dossier sur les éclairs et la question de Antoine sur le voltage, la tension. J'en Ouais. ai profité Entre pour la réponse. regarder, ça peut atteindre 100 millions de volts. Ah, quand Wow. même. Et en ampères, tu sais? Non, alors là, j'ai Non, pas l'idée. mais en watts, Mathieu. en fait, c'est parce que, oui, la tension, oui, mais c'est des ampères qui tuent. Ouais, c'est les ampères qui tuent. Donc, c'est Mais pour vu que la ça. résistance est faible, on va prendre la loi d'Ohm. Je te laisse faire le calcul, Antoine. Ah, d'accord, tu me refiles le boulot, c'est ton dossier, c'est ça? Hop, attendez. Quantité ampères. Quoique la résistance faible, peut-être pas tant que ça, si l'air est justement un isolant. Alors, deux secondes. Alors, hop. C'était 50 000 ampères. 50 000 ampères. 50 000 ampères, et puis combien de volts, t'avais dit? 100 millions, Ouais. ça peut atteindre. Ouais, les volts, c'est vraiment la pression. La pression qui pousse les électrons à partir, quoi. Enfin, à gicler. Mais c'est. Ok, d'accord. Ouais. Il y a tellement de choses à dire sur la foudre. De toute façon, je me demande que le record de fois où elle est tombée sur la même personne, par exemple, des choses comme ça. Quelle Le drôle de question. Mais si, gars, si, il a si, pas de j'avais. chance. Ouais, j'avais vu un truc là-dessus. Je crois que Oui, c'était un sujet du docteur Kern. c'est ça, hein? Ouais. J'ai un truc, c'est 1 dizaine de fois, non? Quelque chose comme ça, où. Ouais, je me rappelle plus. Ouais. Enfin, c'est invraisemblable. Le gars, et donc voilà, ces genres de questions, je me pose bien. Mais je crois qu'il avait plus toute sa tête à la fin, le Tu m'étonnes. 50 000 ampères dans la tête, ça fait griller quelques neurones Ah, tu. quand même. Mais ça représente une énergie formidable quand même. On n'arriverait pas à l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas des. Le problème C'est qu'on avec sait pas où elle l'électricité, va, on sait pas où l'éclair va atterrir. ouais. Mais en plus, l'électricité, c'est difficilement stockable, quoi. Ouais, On c'est vrai. voit ça avec les centrales nucléaires qui sont obligées de. Bah, elles génèrent, c'est comme un flux, et en fait, on est obligé de l'écouler, ou sinon il est totalement perdu, quoi. Ouais, Donc, absolument. c'est pour ça qu'il y a des coupures monstres aux États-Unis avec des blackouts complets à cause d'une surtension. Bon, ils ont aussi un réseau électrique pourri aux États-Unis. Oui, aussi. Aussi. Donc, voilà. Bien, bien, bien. Et Et donc là, on suite à arrive. ces, voilà, à ces petites considérations, on arrive au moment phare de l'émission, au clou, le moment que tout le monde attend, que tout le monde nous envie, la quote de Mathieu. Oui, une belle quote aujourd'hui. Je vais la remettre un petit peu dans son contexte. J'avais parlé au début de l'émission qu'Anaïs nous avait partagé un certain nombre de podcasts, dont Continent Science, et j'ai écouté un des derniers épisodes de Continent Science qui parlait de la vie et de l'œuvre du mathématicien français Joseph Fourier, un grand, grand mathématicien qui a donné son nom à plein de choses en mathématiques, entre autres aux séries et transformées de Fourier, très utilisé dans le traitement du signal. Donc tous les jours, quand vous allez sur Internet, il y a des transformées de Fourier qui sont utilisées sans que vous le sachiez. Et entre autres, on nous expliquait dans ce podcast que Joseph Fourier a aussi beaucoup étudié la chaleur, la théorie de la chaleur. Et étonnamment, à son époque, donc lui, il est né, j'ai plus exactement les dates, mais c'était fin En 18e, 1772. voilà, fin 18e et début 19e, il est mort. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore la connaissance exacte de l'essence de la chaleur. Qu'est-ce que c'était? On n'avait pas encore compris que c'était dû à l'agitation des molécules. Mais par contre, bien qu'il ne comprenait pas ce qu'était la chaleur, il a réussi à élaborer des équations qui décrivaient comment se transmettait la chaleur et comment elle variait. D'accord? Donc il a fait tout un travail sur la théorie de la chaleur. Et en préambule de ce travail, il a mis une citation de Platon que je vais citer. Alors, cette citation, originellement, elle est en latin. Donc, si vous voulez, je vous la dis en latin et je vous la laisse Elle traduire. est plus difficile. Ça va être un peu plus Ouais, dur, là, hein. on est mal barré. Alors, bon, je vais quand même la dire en latin et je la traduis moi après. Alors, en latin, c'est Et ignem rejunt numeri. Donc, ça veut dire même le feu est régi par les nombres. Ah, c'est beau. Et ça, c'est donc l'époque de Platon, que lui a repris en préambule de son travail. Mais une belle quote, je l'aime bien. Ouais, c'est cool, j'aime bien aussi. C'est vraiment super. Ouais. Plus tout. Enfin, c'est un peu souvent finalement le thème de ta quote, quoi. C'est que la science est partout, les maths sont partout. Ah oui, bah oui, j'essaie toujours de prendre des quotes un peu liées à la science. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est bien. Alors moi j'ai essayé enfin au moment où tu l'as dite, je l'ai tapé dans Google Translate en lui faisant détecter la langue. Mais je sais pas, j'ai dû me tromper parce que là il a détecté que c'est de l'allemand. Il a changé numérie en numérique pour le traduire en français. Voilà, il y a le latin d'ailleurs dans. Ouais, Oui, il y a il y a latin, ouais. latin. Ouais, Depuis ouais. peu, mais il y a latin. Ouais. Ah ouais. Alors, ça nous dit, bon, mon orthographe latine est peut-être pas terrible, mais ça nous disait est le feu et sont les auteurs du nombre. Pas terrible encore. Bon, ils ont Bon. précisé que c'est en alpha. Ouais, encore du boulot. Hein. Ouais. Bah, Ouais. chouette. Première quote en latin, ça se fait. Ouais, comme ça on a l'air un peu plus cultivé, on parle pas Ouais. seulement de C'est la science. première? C'est la première en latin? Je crois, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Platon s'exprimait en latin. Alors écoute, je doute, Exactement. en tant que grec, j'ai pas tellement l'impression, mais bon, je sais pas, elle était mise en latin. Ouais, ça faisait bien. Voilà. Cool. Excellent. Bon, on va peut-être en rester là pour cette semaine. Je crois qu'on a de nouveau explosé. Notre constante Ouais. fondamentale de 45 Non, mais minutes, hein. le truc, c'est qu'en plus, vous avez bataillé contre moi pour rester à 30 minutes. Et sincèrement, c'était même pas la peine qu'on est à une heure. On a encore embêté tout le monde avec des Ouais. sondages. Enfin, c'était une petite obsession. On est à une heure et quelques. Donc, On fait du freestyle maintenant. Oui, mais en plus, je crois que les gens, ils aiment bien en plus, hein, le fait que le podcast il arrive à l'heure. Ouais, Je sais bah pas, là, on c'était dépasse largement l'heure, ouais, quand même. Hein, non, bien. 1h10, je L'heure pense. 10. Bon. Et Ouais, on est non, freestyle. Peut-être pas. encore de grosses critiques. On s'assume. Voilà, cool. Ok, Bah, c'est ça, la l'assumer. semaine prochaine, on sera un peu moins freestyle, on sera un peu plus sérieux. Il y aura une fille parmi nous. On a la chance d'avoir une invitée, Lia Rosso, qui est une ex-chercheuse de l'UNIL, qui a donc l'Université de Lausanne, qui a quitté la recherche pour s'adonner à l'écriture scientifique. D'ailleurs, elle écrit de temps à autre un article dans Le Temps, un journal prestigieux suisse. Donc, elle aura plein de choses à nous dire. Je ne sais pas encore de quoi elle va parler. Elle doit nous préparer quelque chose, mais je me réjouis beaucoup de la recevoir. Donc, ce sera la semaine prochaine. On va enregistrer exceptionnellement l'épisode le vendredi à la place du jeudi. Mais on le mettra en ligne rapidement, quoi. Donc, il sera disponible le vendredi soir ou disons plutôt le samedi matin. Ok, bon, on se réjouit. Ouais, bah d'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous. À tout bientôt. À tout bientôt, ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao.